La fée des grèves de Paul Féval. Chapitre 1. La cavalcade. Si vous descendez de nuit la dernière côte de la route de Saint-Malo à Dole, entre Saint-Benoît-des-Ondes et Cancale, pour peu qu'il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du marais, vous ne savez de quel côté de la digue est la grève, de quel côté est la terre ferme. À droite et à gauche, c'est la même intensité morne et muette. Nul mouvement de terrain n'indique la campagne habitée. Vous diriez que la route court entre deux grandes mers. C'est que les choses passées ont leur spectre comme les hommes décédés. C'est que la nuit évoque le fantôme des mondes transformés aussi bien que les ombres humaines. Où passe à présent le chemin, la mer roula ses flots rapides. Ce marais de Dole, aux moissons opulentes, qui étend à perte de vue son horizon de pommiers trapus, c'était une baie. Le mont Dole et l'île Mère étaient deux îles, tout comme Saint-Michel et Tombelaine. Pour trouver le village, il fallait gagner les abords de Châteauneuf, où la mare de Saint-Coulement reste comme une protestation de la mer expulsée. Et chose merveilleuse, car ce pays est tout plein de miracles, avant d'être une baie, c'était une forêt sauvage. Une forêt qui n'arrêtait pas sa lisière à la ligne du rivage actuel, mais qui descendait la grève et plantait ses chênes géants jusque par-delà les îles chaussées. La tradition et les antiquaires sont d'accord. Les manuscrits font foi. La forêt de Sissi couvrait 10 lieues de mer, reliant la falaise de Cancale, en Bretagne, à la pointe normande de Carole, par un arc de cercle qui englobait le petit archipel. Quelques jours on fera peut-être l'histoire de ces prodigieuses batailles où la mer, tour à tour victorieuse et vaincue, envahit le domaine terrestre en conquérant, puis se dérobe, fugitive, et se creuse dans les mystères de l'abîme une retraite plus profonde. Au soleil, la digue fuit devant le voyageur, selon une ligne courbe qui attaque la terre ferme au village du Vivier. Pour quiconque est étranger à la mer, cette digue semble ou superflue ou impuissante. Le bas de l'eau est si loin, les marées sont si hautes. Peut-on se figurer que cette barre bleuâtre qui ferme l'horizon va s'enfler, glisser sur le sable marneux, franchir des lieux et venir ? Venir de si loin, la mer, pour s'arrêter docile devant quelques pierres amoncelées et clapoter au pied de la chaussée comme la bourgeoise naïade d'un étang? Involontairement, on se dit, si la marée fait une fois ce grand voyage du bas de l'eau à la digue, que feront 4 ou 5 pieds de sable et de roche pour arrêter son élan? Mais la mer vient choquer les roches de la digue, et la digue reste debout depuis des siècles, protégeant toute une contrée conquise sur l'océan. Vers le centre de la courbe, on aperçoit au lointain, comme dans un mirage, le mont Saint-Michel et Tombelaine. 8 lieues de grève sont entre ce point de la digue et le mont. De ce lieu qui s'élève à peine de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, l'horizon est large comme au faîte des plus hautes montagnes. Au nord, c'est Cancale avec ses pêcheries qui courent en zigzag dans les lagunes. À l'est, la chaîne des collines allant de Châteauneuf au bout du promontoire breton. Au sud-est, le magnifique château de Bonaban, bâti avec l'or des flottes malouines, est tombé depuis en de nobles mains. Au sud, le marais, Dole, la ville druidique, le mont Dole. À l'ouest, les côtes normandes, par-delà Cherruex, si connues des habitués de Chevet. Et Pontorson, le vieux fief de Bertrand du Guesclin. Œuvre des siècles intermédiaires, la digue semble placée là, symboliquement, entre le château moderne et la forteresse antique. Au mont Saint-Michel, vieux suzerain des grèves, la gloire du passé. Au brillant manoir qui n'a point d'archives, le bien-être de la civilisation présente. Au milieu de ces riches futaies, le roi des guerrets regarde le roi tout nu des sables. Tous deux ont la mer à leurs pieds. Mais le château moderne, prudent comme notre âge, s'est mis du bon côté de la digue. Personne n'ignore que les abords du Mont-Saint-Michel ont été, de tout temps, fertiles en tragiques aventures. Son nom lui-même, le Mont-Saint-Michel au péril de la mer, en dit plus qu'une longue dissertation. Les gens du pays portent de nos jours à 30 ou 40 le nombre des victimes ensevelies annuellement sous les sables. Peut-être y a-t-il exagération. Jadis la croyance commune triplait ce chiffre. La chose certaine, c'est que les routes qui rayonnent autour du mont, variant d'une marée à l'autre et ne gardant pas plus la trace des pas que l'océan ne conserve sur sa surface mobile la marque du sillage d'un navire, il faut toujours se fier à la douteuse intelligence d'un guide et mettre son âme aux mains de Dieu. On va de Cherouex au mont Saint-Michel, à travers les tangues, les lises et les paumelles, coupées d'innombrables cours d'eau qui rayent l'étendue des grèves. Note de bas de page. Les tangues sont généralement le sol de la grève. Les lises sont les sables délayés par l'eau des rivières ou des courants souterrains. Les paumelles, au contraire, sont des portions de grève solides où le reflux imprime des rides régulières. Retour au texte. On y va des Quatre Salines et de Pont-Orson, ceci pour la Bretagne. Les routes principales de Normandie sont celles des Pont-aux-Baux, d'Avranches et de Genêt. Suivant les coquetiers et les pêcheurs, la route de Pont-Orson est seule sans danger. Encore y a-t-il plus d'une triste histoire qui prouve que cette route-là même, en temps de marée, ne rend pas tous les voyageurs que sa renommée de sécurité lui donne. Le 8 juin 1450, toutes les cloches de la ville d'Avranches sonnèrent à grande volée pendant que les portes du château s'ouvraient pour donner issue à une nombreuse et noble cavalcade. Il était 11 heures du matin. Tout ce qu'Avranches avait de dames et de bourgeoises se penchait aux fenêtres pour voir passer le duc François de Bretagne se rendant au pèlerinage du mont Saint-Michel. Un coup de canon tiré du mont, à l'aide d'une de ces pièces énormes en fer soudé et cerclé qui lançait des boulets de granit, avait annoncé le bas de l'eau tout exprès pour Monseigneur le duc et sa suite. Et ce n'était pas trop faire que de mettre ces canons au service du riche duc, car ceux qui les avaient pris aux Anglais étaient des gens de Bretagne. Bien peu de temps auparavant, le duc François avait envoyé les sieurs de Montauban et de Châteaubriand avec René de Couetquen, sire de Combourg, au secours du Mont-Saint-Michel assiégé par les Anglais. À cette époque, le roi Charles VII de France avait déjà regagné une bonne part de son royaume et rejeté Henri d'Angleterre loin du centre. Mais les côtes de la Manche restaient au pouvoir des hommes d'outre-mer, et le Mont-Saint-Michel était, depuis Granville jusqu'à Pont-Orson, le seul point où flotta encore la bannière des Fleurs de Lys. Montauban, Châteaubriand, Combourg et bien d'autres Bretons passèrent le Quesnon pendant que 5 navires malouins, commandés par Hugh de Maurevers, doublaient la pointe de Cancale et entraient dans la baie. Il resta 2000 Anglais morts sur les tangues entre le Mont et Tombelaine. À l'heure où le duc François sortait du château d'Avranches, les Anglais ne gardaient plus en France que Calais, le comté de Guînes et le petit rocher de Tombelaine où ils avaient bâti une forteresse imprenable. Mais ce n'était point pour célébrer une victoire déjà ancienne que le duc de Bretagne se rendait au monastère du Mont-Saint-Michel comblé de ses bienfaits. François faisait le pèlerinage pour obtenir du ciel le repos et le salut de l'âme de Monsieur Gilles, son frère, mort à quelque temps de là, au château de la Hardouinet. Un service solennel se préparait dans l'église placée sous l'invocation de l'archange. Guillaume Robert, procureur du cardinal d'Estouteville, 32e abbé de Saint-Michel, avait promis de faire de son mieux pour cette fête de la piété fraternelle. Le service était commandé pour midi. François, ayant à ses côtés son favori, Arthur de Montauban, Malestroit, Jean Bude, le sire de Rieux et Yvon Porouette, bâtard de Bretagne, descendit la ville au pas de son cheval et gagna la porte qui s'ouvrait sur la rivière de Cé. Les sires de Torigny et du Homme, chevaliers normands, l'accompagnaient pour l'honneur de la province. Derrière le duc, à peu près au centre de l'escorte, 6 nobles demoiselles, 3 normandes, 3 bretonnes, chevauchaient en grand deuil. Parmi elles, nous ne citerons que Reine de Maurevers, la fille unique du vaillant capitaine U, vainqueur des Anglais. Le visage de Reine était voilé, comme celui de ses compagnes. Mais quand la gaze funèbre se soulevait au vent qui venait du large, on apercevait l'ovale exquis de ses joues, un peu pâle, et la douce mélancolie de son sourire. Reine avait 16 ans. Elle était belle comme les anges. Une fois son regard croisa celui d'un jeune gentilhomme fièrement campé sur un cheval du Rouennais, à la housse d'hermine, et qui portait la bannière du deuil aux armes voilées de Bretagne avec le chiffre de feu Monsieur Gilles. Ce gentilhomme avait nom Aubry de Kergariou, bonne noblesse de Basse-Bretagne, et tenait une lance dans la compagnie du bâtard de Porouette. Quand le voile de Reine retomba, Aubry donna de l'éperon et gagna d'un temps la tête du cortège où était sa place marquée auprès du porte-étendard ducal. On arrivait à la barrière de la ville. Ceux qui étaient superstitieux remarquèrent ceci. Aubry ne put arrêter sa monture assez à temps pour garder le passage libre à son compagnon, l'homme à la côte d'Hermine. Ce fut la bannière funèbre qui passa la première. Sur les remparts et dans la rue, la foule criait « Bretagne, Malo ! Bretagne, Malo !» Et 4 gentilshommes, portant à l'arçon de leur selle de vastes aumônières, jetaient de temps à autre des poignées de monnaie d'argent et répondaient « Largesse du riche duc !» On dit que les bonnes gens de Normandie ont toujours fidèlement aimé le numéraire. En cette occasion, ils firent grand accueil à la munificence ducale et se battirent à coups de poing dans le ruisseau comme de braves cœurs qu'ils étaient. Tout le monde fut content, excepté un laid païen à la tête embéguinée de guenilles qui n'avait eu pour sa part de l'aubaine que des orions et pas un carolus. Le pauvre homme se releva en colère. « Duc, » dit-il au moment où François passait devant lui, « encore une poignée d'écus pour que Dieu t'oublie. » François tourna la tête et poussa son cheval. D'ordinaire, et pour moindre irrévérence, il eût donné de son gantelet sur la tête du pâteau. « Les 6 hommes d'armes du corps !» cria Goulaine, sénéchal de Bretagne, en s'arrêtant au-dedans de la porte. Les 6 hommes d'armes du corps étaient en quelque sorte les chevaliers d'honneur de la cérémonie. Ils devaient suivre immédiatement la bannière et mener le deuil. C'était Hugues de Maurevers, père de Reine, qui avait été l'écuyer et l'ami du prince défunt. Porouette pour le sang de Bretagne, Torigny pour la Normandie, La Hire pour le roi Charles, Chateaubriand, le Bègue et Mauny. Les 5 derniers se présentèrent. « Où est le sire de Maurevers ?» demanda Goulaine. Il se fit un mouvement dans l'escorte, car cela semblait étrange à chacun que M. U, le vaillant et le fidèle, manquât à l'heure sainte sous la bannière de son maître trépassé. Un murmure courut de rang en rang. Chacun répétait tout bas la question du sénéchal. « Où est le sire de Maurevers ?» Son absence était comme une accusation terrible. Contre qui ? Personne n'osait le dire, ni peut-être le penser. Mais du sein de la foule, la voix du vieux païen normand s'éleva de nouveau, aigre et moqueuse. Le grigou disait « Que Dieu t'oublie, duc, que Dieu t'oublie !» Le duc François eut le frisson sur sa selle. Reine, tremblante, avait serré son voile autour de son visage. François se redressa, tout pâle. Il fit signe à Montauban de prendre la place vide de Maurevers, et le cortège passa au milieu des acclamations redoublées.